cacher dans quoi? D'où est-ce que tu viens? Et quel est ce nouveau costume? Tu vas nous dire, je présume, qui te l'a donné, d'où est-ce que tu le tiens? Quel est donc ce nouveau costume qui te l'a donné, d'où est-ce que tu le tiens? Vous aviez fait de la redépense pour me donner de l'innocence, de la candeur, et journellement je vous en donnais pour votre argent. Je faisais preuve de modestie, je baissais les yeux à tout moment, mais ce n'était pas dans mon tempérament. Vous savez d'où je suis sortie. De la mer en gros, je suis la fille, je suis la fille. Une la vie d'un bon, tiens famille, tiens famille. Gardez-moi, parce que bon, ne soit pas tel en gros. Gardez-moi, parce que bon, ne soit pas tel en gros. Tiens famille, gardez-moi, laissez-moi que soit même.